Je sais petit, la valeur d'un homme ne se mesure pas à la force. À quoi bon conquérir le monde, je ne me sens bien qu'auprès de mes proches. Parti pour ce voyage par la brise, le vent je me laisse emporter. Le temps ce drôle d'artiste s'amuse à me refaire le portrait. M'emporter à quoi bon, je refoule tous mes états d'âme. Tu fais un choix, ce n'est pas le bon, n'en fais pas un drame. La flamme s'éteindra comme à chaque fois. Tu connais ton rôle, relève la tête, bombe le torse. Cette farce n'est pas vraiment drôle, garde le sourire. Un jour ça finira par changer, sache qu'à trop côtoyer la haine, l'amour devient étranger. À quoi ça sert d'échanger? Zéro signal, zéro réponse, pas de prise de tête. Moi je veux un maximum de défonce. Ça fait peur à ma mère sur ses joues, je ne veux plus de larmes. On bat tes aiguilles, tourner lentement, vient l'heure du drame. Une petite chose se brise, tout à coup tout se pose. Je me libère de sa forte emprise, musique m'a douce drogue. Dieu seul sait comme je t'aime, mais l'amour est une pute. Moi je sais que si on suit leur code, la vie n'est qu'une pub. Bref, l'homme vit, tu détruis tout ce qu'il croit. Souvent lui-même devient détruit, tu sais peut-être le bon choix. Je tombe dans le vide avec plaisir, résiste à leur monde. Me laisse aller au désir, bien loin de leurs normes. Bon, bref, passons, je me jette, je vous laisse ici. La chute depuis tout petit, moi je l'anticipe. Le vide nous terrifie, mais putain qu'est-ce qu'on aime l'altitude. On grandit avec la peur de finir par frapper le bitume. Le temps tue, la vie dure, la routine, les habitudes aussi. Regarde devant toi et sache que rien n'est impossible. La vie nous terrifie, mais putain qu'est-ce qu'on aime l'altitude. On grandit avec la peur de finir par frapper le bitume. Le temps tue, la vie dure, la routine, les habitudes aussi. Regarde devant toi et sache que rien n'est impossible. Le chemin s'efface, sous nos pieds croulent des restes. Demain s'éloigne des rêves, j'étouffe tous les soirs les mêmes. Et je vois évoluer le monde, leur garde l'enfant sur l'arme à feu. Quand affronter ses torts, c'est se laisser frapper par sa peur. Les torts, les orioles se piochent dans le même panier, il paraît. Apprendre à errer la nuit avant de savoir où il dame. Et on voulait tous tourner la page, hein. Laisse le grimoire cramer. Blême, nos visages pâlissons, s'atrophie, l'histoire le savait. J'y vois pas le reste des choses à voir, dis-moi que c'est beau là-bas. La prophétie n'étonne que ceux qui crient, que c'est chaud à croire. Demain me rappelle à l'ordre, écoute la belle, arrose les douves avec le sang de la bête. J'ai tout fait pour détourner l'attention. Le train va trop vite, il passe de gare en gare sans soucier de qu'il voit courir passant cela. Un soir au fond de la pièce, j'ai vu passer par terre la gloire à croire qu'on s'embrasserait. Tu sais, si je crois un peu de choses, moi, c'est pas la faute à d'autres. La folie prend au trip quand on s'approche pas de l'ordre. La folie prend au trip quand on se rapproche pas de l'ordre. Je vis sur un nuage, paraît que je suis le père des courants d'air. Besoin de constamment prendre le large pour tenter calmer ma tempête. Je m'interroge même si j'ai en moi la force de trouver ce qui me tempère. Rien ne me freine, rien ne m'arrête, j'irai où mon bon vent me mène. Faux entrain impératif, mes frais, faut que je relativise. C'est vrai, je suis réactif, sévère, j'aime pas qu'on me mène à la baguette. Pas de paratonnerre, l'impression sans cesse que cet orage me guette. Tant de mal à m'y faire, à tel point que je préfère rester aux aguets. Direct, j'chappe le peu de lumière qui daigne bien montrer le bout de son bec. N'empêche ma vie sous des lunettes, même si mon soleil se fait discret. Sans dès que je suis deg comme en soirée, quand on regarde tous le fond de la terre. À croire que même entre couilles, on arrive certains soirs à se prendre la tête. C'est pas la mer à boire, on fête. Ce en pourquoi on croit, c'est bête. On se croise les toits remplis d'espoir, mais finiront par se mordre les lèvres. La vue, une partie de cartes. Si t'as pas d'as en main, tes mailles ont faible. Remarque-tu qu'autour de toi, tout ce cadenas bien ce qui leur est cher. Le vide nous terrifie, mais putain, qu'est-ce qu'on aime l'altitude. On grandit avec la peur de finir par frapper le bitume. Le temps tue, la vie dure, la routine, les habitudes aussi. Regarde devant toi et sache que rien n'est impossible. Le vide nous terrifie, mais putain, qu'est-ce qu'on aime l'altitude. On grandit avec la peur de finir par frapper le bitume. Le temps tue, la vie dure, la routine, les habitudes aussi. Regarde devant toi et sache que rien n'est impossible. Énième tableau qu'on te fait décrire comme une XS. Tous mes fardeaux qui te font sourire dans du XL, pas la vie de rêve. On flotte à la dérive, on s'arrive qu'à la résine. Mais je connais pas le bouton reset. On s'est forgé à la rime, je côtoie pas souvent mes biceps. C'est la buvette avant toute chose. Rome charrette, tout ça me rend bof, tout ça grande dose. Croyez de shoot et nos névroses. L'air bête devant la baie, j'entame la même soirée que la veille. Combien de tes potes, tu mettes leur paix. Je me fais la belle avant la fin de ta fête. Je vide la tête, puis ave la bière, non plus. À toi mon frère, regarde où je suis un an plus tard. Petit frère s'est perdu, mais il essaye de marcher droit. Le vide sous moi, je suis pas sûr de tous mes rêves, tellement j'y crois. Mais combien de fois je vais voir mon train vite se répéter. Et méchés, c'est l'heure où je confie mes péchés. Je deviens ce bouffon cérébré, pas là pour célébrer qu'on est tout seul dans nos galères. Je manque d'ambition sur le long terme, moi seul passage, appelle-moi courant d'air. Le vide nous terrifie, mais putain qu'est-ce qu'on aime l'altitude. On grandit avec la peur de finir par frapper le bitume. Le temps tue, la vie dure, la routine, les habitudes aussi. Regarde devant toi et sache que rien n'est impossible. La vie nous terrifie, mais putain qu'est-ce qu'on aime l'altitude. On grandit avec la peur de finir par frapper le bitume. Le temps tue, la vie dure, la routine, les habitudes aussi. Regarde devant toi et sache que rien n'est impossible.